Moi, j'ai ma vie, j'ai des gens avec qui je peux passer ben du temps ensemble. Là. À part, je n'ai pas. C'est ça. Parce que ma sensibilité fera que, après quelque temps, je ne... Wow. Fait que, plus t'es centrique, plus tu peux passer du temps avec qui, mais moins tu peux passer du temps avec qui. Fait que là, tu choisis ceux avec qui tu veux passer du temps tout le temps. Plus tu es seulement qu'avec toi-même, plus quand tu es avec un autre. Il faut qu'il soit avec toi-même. C'est ça veut dire qu'il faut que tu sois à longueur d'onde. Tu restes seulement qu'avec toi-même, ça fait qu'il ne t'affecte plus. Ouais. Seulement que si tu es en relation avec un autre, je me donne un exemple. Moi, où ce que je reste, j'ai une femme puis un homme qui prend soin du terrain, puis qui prend soin de la cuisine, fallait pas pas tout ça. Bon. Fait que ces gens-là sont près de moi, 24 heures par jour. Ah. Pour qu'ils vivent avec moi, faut pas que j'ai l'attention. Faut qu'ils soient assez centriques, faut qu'ils soient assez conscients, faut qu'ils soient assez sur leur longueur d'onde, que ça coïncide avec ma longueur d'onde. Sans ça, je passerai mon temps à faire des instructions, puis des ci, puis des ça, puis ajuster. Ah, oh, je pourrais pas vivre avec eux autres. Je serais toujours ses nerfs. Sont sur ma longueur d'onde, je suis sur la longueur d'onde, fait qu'on est bien ensemble. Tu peux relaxer. Je relaxe, totalement. Mais ils te font savoir quand c'est le temps de partir. On peut y aller voir les gens, jongler avec, être bien même. À un certain temps, il faut que tu partes. Wow. Ça, vous allez réaliser avec le temps. Il va venir un temps, là. Un heure, c'est une heure. 3 heures, c'est 3 heures. T'sais. J'ai fait des tests. Parce que ce qui arrive avec vous autres, là, au stage où vous en êtes, quand vous parlez, vous pouvez parler tant de temps, pis pas dire des bêtises. Pas c'est ça, vous dites des bêtises. Oui. Comprenez-vous ce que je dis? C'est ça. Pis quand vous savez plus quoi dire, là, vous tombez sur un autre plan. Vous tombez sur le plan, là, de la mémoire, les jokes, ce que vous avez fait depuis 2 ans, là. Vous êtes plus dans la conscience supramentale. Vous êtes dans la conscience subjective. Parce que si t'es dans la conscience supramentale, tu vas toujours dire quelque chose que t'as à dire. Tu peux pas être dans le supramental et pas dire quelque chose. Tu peux pas jaser et être dans le supramental. Non, on peut parler. Et lorsque vous autres, là, vous vous rencontrez, là, vous parlez. Puis après ça, vous jasez. Checkez-vous, vous allez voir. Tu me fais penser à quelque chose. L'autre fois, je voulais lire quelque chose, je savais pas quoi lire. Puis aussitôt que vous commencez à jaser, là, vous en allez. Je rouvre la... L'ego a pas l'habitude... de pouvoir se mesurer. L'ego est pas capable de se mesurer. Parce que, pendant toute son évolution, il a été forcé de se comparer. Tant qu'on se compare, on peut pas se mesurer. Ce qui affaiblit l'ego au cours des années, c'est qu'on se compare, puis qu'on se compare, puis on se compare. Quand l'ego commence à comprendre ça, il commence à cesser de se comparer. Puis là, il commence à se mesurer. Mais au début de son expérience, quand il commence à se mesurer, il est pas habitué. Fait qu'il est pas sûr de sa mesure. Puis ça, c'est ça, ça va tout vous arriver, ça, ça vous est pas arrivé. Dans des expériences, surtout dans des expériences où votre action ou le jugement de votre action est en confrontation avec la mesure sociale du jugement de votre action. C'est là que votre ego va vibrer, c'est là que votre ego va se questionner, c'est là que vous serez pas sûr si vous avez raison ou non, patata. Mais une fois que l'ego a commencé à réaliser que c'est très mauvais pour lui de se comparer, à ce moment-là, il commence à prendre la mesure de lui-même. Puis éventuellement, après un temps assez rapproché, c'est pas tellement long cette phase-là, l'ego est capable d'agir et de pas vibrer dans son action. De prendre réellement son activité comme elle est, puis de pouvoir mesurer la précision de son jugement dans l'activité. Et de ça ressort ce que j'appelle l'action précise. L'action précise, c'est une action qui fait que l'ego, quand il fait un geste, quand il fait un mouvement, il regarde plus en arrière. Si vous faites un geste puis vous regardez en arrière,

Elle me parlait de motivation. La motivation, c'est une illusion d'ego, ça n'existe pas. Une personne qui n'a pas de motivation, c'est une personne qui n'a pas de volonté. Le manque de volonté, ça glisse. Mais il apparaît, c'est une illusion de l'ego. T'as pas de vibration, t'as pas de vibration. Mais l'ego, lui, il se pénalise. Il a pas de la paresse. Il fait rien, il se pénalise. Après ça, il y a un manque de motivation. C'est tellement ténébreux, la loi des formes. C'est tellement occulte, la loi des formes. Qu'un homme qui connaît les lois des formes, il n'est plus, ne fait plus partie de la cinquième race de l'homme. Je parle tout des maudites formes, puis des formes, puis des formes, puis des formes. C'est plein. On est fait de formes. L'ego est fait de formes. L'ego. L'ego sans forme, il peut pas fonctionner. Alors, il est obligé de transmuter un esprit. Un ego, là, si t'enlevais de l'ego, là, si t'enlevais, tu prends quelqu'un sur la rue, tu enlèves toutes les formes de son ego, c'est final. Il peut vivre. Parce qu'il est fait de ça. Il tombe en dépression, il se suicide. Alors, l'ego est changé lentement en esprit pour que quand ils sont à l'heure de la forme, ils ne se suicident pas. Là, il est bien. Mais si l'ennemi a passé d'un ego à un état de forme, à un état d'informe, faut que tu le fusionnes avec, sans ça, il capote. Moi, s'il ne m'a pas fusionné, frère, je me serais fait sauter à la table depuis longtemps. Tu ne peux pas fonctionner sans pas. La forme, ça donne la couleur à ta vie, ça donne la couleur à ta personnalité, ça engendre dans ta personnalité des valeurs. Ça donne du piquant à ta vie. Enlève donc le piquant à la vie. L'ego ne peut pas fonctionner sans force. C'est ça qu'on ne peut pas se débarrasser de ça d'une seconde, puis tranquillement. Pour vous débarrasser de ça, de, tout d'un coup, il faut que vous soyez fusionnés, il faut qu'ils fusionnent avec vous autres sur tous vos plans. Là, c'est final. Là, vous n'avez pas le choix. Fait quand même, tu voudrais te mettre le 45. Si tu n'es pas capable, c'est eux autres qui contrôlent ton corps physique. Fait que là, tu es safe. Contre le fait que tu n'es pas dans la forme. Mais quand ils le font par évolution, les gens disent c'est long, c'est long. Je comprends, c'est long, vous êtes bien que c'est long. On est fait de ça, on vit de ça. Vous pensez de ça. Vous fâchez de ça. La forme. C'est comme ça que les forces retardataires ont le contrôle sur l'humanité. C'est pour ça que je dis que sur la Terre, sur la Terre, on vit le mal planétaire. À une échelle, à une profondeur. Incroyable. Faut pas s'arrêter à trop y penser, hein? C'est pour ça qu'il faut pas penser à ces affaires-là. Si jamais vous avez l'occasion de visiter en astral la Lune, voir les effets de la Lune, ça te donne le temps de voir que c'est cochon. Le mal planétaire est maintenu sur la planète Terre par la Lune, conjointement avec les forces du mal qui sont dans le centre de la Terre. Fait que l'homme est pogné entre les deux, cochon. Oh, de la Lune, vous connaissez ça, c'est un peu. J'ai déjà vu ça, la Lune. Hein? J'ai déjà vu ça, la Lune. Une porte s'ouvrir, deux personnes sortir de là, mais il y avait un autre, là. Il est attaché pareil comme dans le temps de César, admettons. Mais je ne sais pas ça. Mais ça fait longtemps, ça. Mais je pensais pas qu'on pouvait vivre à l'intérieur, mais je l'avais vu là parce que ça. Plus que ça, à chaque fois. Vous autres, vous voyez quelque chose? Mm-hmm. Moi, je peux être dans mon automobile, puis je passe mon temps à croiser du monde dans mon char. Ouais. Il y a du monde qui passe devant moi, puis je passe à travers, puis je passe à travers, puis je passe à travers, puis je passe à travers. Mais toi, je suis paniqué, je breakerais, je me casserais la gueule. Je passe à travers. Mm. Attire encore du monde si devant ton char, sur l'autoroute. Tu as tendance à tirer, c'est d'arrêter. Moi, je passe à travers. C'est toutes des illusions. Mais c'est pas des illusions, ça, c'est un autre plan, c'est parce que je jouais trop, fait que. Le monde, c'est pas une de matière. T'es toujours dans le temps. J'ai vu deux plans en même temps. Ça dépend. Tu peux vivre sur deux plans en même temps, tu peux vivre sur trois plans en même temps. Tu peux être sur sept plans en même temps. Ça dépend de ton niveau vibratoire. Ouais. C'est pour ça que j'essaie de faire saisir, pour que les gens saisissent l'importance de l'ego, de ne jamais se questionner. C'est pour ça que j'ai fait la cassette sur la pornographie. Je n'ai pas eu une tête. Bonne, celle-là. Le gars, il sait pas pourquoi est-ce qu'il est pornographe. Il en souffre. Plus la patente. Ça va loin du monde, de l'homme. Nos petites activités tendancieuses, qui nous seraient approchées par le curé, tout de suite. Je vais pas écouter celle-là. On est un mystère à soi-même. Il faut qu'on en arrive à se connaître, à se comprendre totalement. Aux créatures.